Chapitre 4e, la Navarria. Avant d'ouvrir la porte de la cabine, Don Graviel répara de son mieux le désordre de sa toilette, passa les doigts dans ses cheveux, rabattit son grand collet de chemise, raffermit ses pistolets dans sa ceinture, frisa ses moustaches et jura deux fois pour se remonter le moral, puis il entra. L'ameublement d'un pirate coûte trop bon marché pour n'être point magnifique. C'est de la soie dans de l'or, des tapis de cachemire, des bois précieux, des saphirs et des émeraudes, un petit palais des mille et une nuits. Doña Juana était assise sur une ottomane incomparable. Elle tenait à la main une charmante Navarria de Séville à lame d'acier poli, à poignée d'écailles incrustées d'ivoire et d'argent. Au bruit que fit la porte en tournant, elle se redressa, courut se retrancher dans un angle et, fière comme une digne castillane, se mit en devoir de défendre chèrement son honneur et sa vie. « Bravissimo, señorita, dit Don Graviel, j'aime à vous voir prendre cette pose martiale. Caramba, elle vous sied à ravir. Mais d'abord, permettez à votre esclave soumis de demander grâce pour sa témérité. Vous conviendrez que j'ai ponctuellement tenu parole. Si vous faites un pas de plus, seigneur cavalier, dites seigneur capitaine, je vous en supplie, interrompit l'alférez qui avançait toujours. Comme je l'avais juré, je suis capitaine corsaire aujourd'hui, jour de Noël. » À ces mots, Don Graviel ouvrit les rideaux damassés de la claire-voie. Un rayon de lumière pénétra dans la cabine. « Vous voyez, ma reine chérie, que votre appartement n'est pas mal. Rien ne vous manquera, et vous avez tout mon amour par-dessus le marché. »« Silence, méchant pirate !» répliqua la tremblante jeune fille. « De ma vie, je ne vous pardonnerai votre conduite. Foi de corsaire, vous êtes aussi adorable qu'adoré. Votre colère est éblouissante, et pour un empire, je ne voudrais pas en avoir été privé. Je vous connaissais dans vos bouderies, Juanita, mais la Navarra, au point, c'est nouveau, c'est piquant. Si jamais vous aviez eu quelque rivale dans mon cœur, elle serait oubliée à jamais. Vos yeux en courroux brillent d'un feu divin, ils me percent de part en part, je vous jure. Souffrez que j'examine de plus près ce délicieux cuchillitito. » En parlant ainsi, Don Graviel s'était mis à genoux aux pieds de la jeune fille, non sans avoir adroitement saisi la main dans laquelle étincelait le gracieux poignard. Alors, de ce ton semi-railleur qu'il avait accoutumé pour ses déclarations, « Dans l'espoir de vous plaire, dit-il, afin de satisfaire un de vos caprices, chère âme, je m'expose à être pendu. Mais s'il peut vous être agréable de me couper la gorge, faites, ne vous gênez pas. Il me serait doux de trépasser par les soins de ces... Lâchez-moi donc alors, interrompit Juanita exaspérée. « Doucement, mon ange, continua Don Graviel, dans votre intérêt. Je tiens d'abord à terminer mon discours. Sachez donc qu'après moi, vous ne trouverez plus ici de protecteur. Fernando, mon second, n'est pas du tout galant. Maître Brimbolio, qui vous gardait dans la yole, est un bandit très bourreux. Et pourtant, c'est là ce qu'il y a de mieux à mon bord. Si vous m'accordez la vie, chérubin de mes rêves, je les tiendrai en respect, ils ramperont tous devant vous. Mais si vous en décidez autrement, je ne réponds de rien. Ces coquins-là, d'ailleurs, seraient capables de vous en vouloir de ma mort. Ne vous impatientez pas, ma souveraine, encore un petit mot de justification. Écoutez bien. Ceci est sérieux. Je ne suis pas pirate, mais corsaire, distinguons. Je ne ferai la guerre qu'aux Anglais, nos ennemis. J'ai délivré la mer d'un véritable forban, en m'emparant du capricoso qui capturait les Espagnols tout comme les autres, avec l'autorisation tacite de votre respectable père. D'autre part, je vous aime, je vous adore, je veux vous épouser. Je n'avais pas un triste maravedi de rente. On m'aurait honteusement chassé de votre présence si j'avais eu le malheur de montrer mes prétentions. Vous m'avez inspiré mon projet, je vous ai obéi, suis-je donc si coupable? Dans un mois, mes exploits m'auront rendu riche, renommé, redoutable, digne de vous, et vous serez la grâce qui embellira ma vie, à moins que vous ne préfériez être tout de suite la parque qui entranchera le fil. » À mesure qu'il parlait, Don Graviel serrait moins fort la main de Juanita qui devenait plus attentive. À la fin, cette main blanche et potelée reposait mollement dans la sienne. La jeune fille ne la retira pas. Le hardi cavalier y portait les lèvres avec transport. Juana s'était assise sur l'ottomane. « Sur votre honneur, » fit-elle en oubliant toujours sa main. « Ce que vous venez de dire est l'exacte vérité. Sur mon honneur, sur ma foi, sur mon amour pour vous, je ne sais pas de serment plus fort. Et vous vous conduirez à mon égard en honnête et galant homme ?» Juana, poignardez-moi, mais ne me faites pas injure. » On frappa à la porte. La jeune fille venait de remettre le Navarilla dans sa gaine. Don Graviel était assis à côté d'elle. « Capitaine, » dit Amous, qui n'était pas entré sans autorisation, « le lieutenant vous fait prévenir que la frégate, la Santa Fe, nous appuie la chasse et qu'elle nous gagne. »« Cher ami, » dit l'heureuse enseigne en se levant, « priez Dieu qu'elle ne nous attrape point. Je cherche les Anglais, non les Espagnols. »